concernant l'attitude de l'ego vis-à-vis des problèmes de la vie. L'ego pense que la conscientisation... Écoutez bien la nuance. L'ego pense que la conscientisation va éliminer les problèmes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'avec la conscientisation, les problèmes ont une période de temps qui doivent être vécus. Puis l'ego, il doit vivre cette période de temps-là. Puis à l'intérieur de cette période de temps-là, les corps s'ajustent. L'ego développe une résistance. Et l'ego souffre à cause de ces problèmes-là. Le temps passe, la volonté de l'homme grandit, puis les problèmes, à cause de la souffrance, ce qui vient après, quand on devient centré, il y a bien des affaires que je veux dire en même temps. Quand on devient centré, qu'on a développé une certaine sensibilité à la souffrance, aux niaiseries, on devient plus intelligent. Intelligent dans un sens interne. Puis en devenant plus intelligent, on s'arrange toujours de plus en plus pour avoir des problèmes. Mais tant qu'on n'est pas devenu intelligent, on a des problèmes. Je parle de l'intelligence intérieure. Avec le développement de la conscience, on a des problèmes, on fait face à nos problèmes. On devient sensible, on développe une résistance, puis vient un point où on a plein de casse. Là, la volonté descend, puis on devient plus intelligent. De sorte que les problèmes qu'on s'était créés avant, on cherche à les éliminer, puis à les éliminer, puis à les éliminer, puis à les éliminer. Mais il y a des gens qui s'imaginent qu'en se conscientisant, on n'a plus de problème. C'est pas qu'on n'a plus de problème. C'est qu'on est forcé de les vivre jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il y ait un changement vibratoire dans notre vie qui est directement lié à notre volonté. Vos problèmes, vous allez les avoir tant que votre volonté ne va pas grandir. Autrement dit, là, ça c'est vous autres, avant qu'on se rencontre. Okay? Si on ne s'était pas rencontré, là, ça serait vous autres, vos problèmes. Puis ensuite, vous n'auriez eu d'autres. Vous n'auriez eu d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, jusqu'à la mort. Avec la conscientisation, là, vous avez vos problèmes. Puis petit à petit, là, vous en allez vers ça. Pas de problème. Mais avant d'arriver là, vous êtes obligé de passer par ça, ces problèmes, puis ça où il y en a un petit peu. Tu vois, il y en a un petit peu. C'est pas tout blanc. Vous pensez que c'était tout blanc. Il y en a un petit peu. Puis éventuellement, c'est tout blanc. Il n'y en a plus. Mais quand vous en arrivez à ça, c'est parce que ça, c'est vous qui l'avez rendu de même. Vous avez éliminé les problèmes parce que, à cause de votre souffrance, puis l'intelligence qui grandit avec la souffrance. Plus vous souffrez, plus vous devenez intelligent. Parce que plus vous souffrez, plus vous êtes obligé de détruire des formes. Si vous ne souffrez pas, vous ne pouvez pas détruire des formes. Vous vivez dedans, vous flottez dedans. Quand vous conscientisez que vos vibrations changent, là, vous commencez à avoir des formes. Là, vous commencez à souffrir des formes. Là, vous commencez à détruire des formes. Puis quand vous commencez à détruire des formes, là, vous commencez à être de même. Là. C'est pas tout blanc, mais un petit peu. Puis éventuellement, c'est tout blanc. Mais c'est par votre volonté que vous en arrivez et non parce que vous vous conscientisez. Autrement dit, ils vous feront pas de faveur. Vous avez développé la volonté qui va vous donner la capacité d'agir dans un cadre d'intelligence de plus en plus créative intérieure, qui va vous amener à faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais vous ne pourrez pas avoir cette volonté-là, cette intelligence-là, tant que vous ne serez pas sorti de ces formes-là. Alors, petit à petit, vous en arrivez à sortir de ces formes-là. Puis éventuellement, vous en sortez, puis éventuellement, il n'y a plus de forme, c'est un blanc. Puis je dis ça parce qu'il y a des. Pour vous faire comprendre à certaines personnes que la conscientisation, c'est pas de la philosophie de vie. C'est un travail qui se fait sur nos corps, puis on est obligé de vivre ça, puis plus on est censé vivre d'une façon aiguë. Puis plus on vit d'une façon aiguë, plus le mental devient très fort, le mental devient centré. Moins il y a de l'émotion qui nous empêche de vivre un mental centré. C'est là que l'énergie descend, que l'intelligence descend, que la volonté elle descend. C'est là qu'on claire le tableau. Fait que si vous me dites, ben oui, mais on souffre, petit peu de temps, ou comment ça se fait qu'on a des clés, on souffre? Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas rentrer en supramental et pas passer des souffrances que vous n'aviez pas avant parce que vous n'avez pas cet état de conscience-là. Vous êtes obligé de souffrir. Vous savez tout ce que je veux dire, souffrance, une souffrance interne, quelque chose, sensibilité. Ça, c'est lié à voir de plus en plus. Plus vous voyez, plus vous souffrez. Puis plus vous vous ajustez mentalement et émotivement. Puis plus vous en arrivez à être de même. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes comme ça, par votre propre effort à vous-même, par votre propre expérience à vous-même, par votre propre souffrance à vous-même, il n'y a personne qui peut vous rendre de même. Vous ne pouvez plus tourner en arrière, Marie. La conscience supramentale, c'est pas une philosophie. C'est pas un panacée, c'est pas une pilule. C'est pas un miracle. C'est un passage d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Ceux qui peuvent passer d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience en arrive à ces conclusions-là, à cet état de conclusion. Inévitable. Je prends exemple les deux femmes, les deux qui sont dans le dessin. Dessin, créativité, la mode, ça ne marche pas. Ces souffrances-là, ça fait partie de ça. Il faut qu'ils passent à travers de ça. Ils vont passer à travers. Il va en sortir de cette souffrance-là. Mais ce que les gens ont besoin de comprendre concernant la souffrance intérieure, c'est que quand vous n'aurez plein de cul, vous vous grouillerez de cul. Puis, quand vous n'avez pas plein de cul, c'est parce que vous n'avez pas plein de cul. Ouais. Et parce qu'il dit que c'est parce que vous n'êtes pas assez touché encore, vous n'avez pas encore réalisé. Parce que quand vous n'avez plein le casse, c'est là que elle descend. On lâche pas. On n'accepte pas de descendre. 14. Vous n'êtes pas capable de faire descendre tant que vous n'avez pas plein le casse. Ça veut dire qu'on n'a pas assez, justement. Ouais. Tant il y a une relation directe entre la souffrance et le supramental. Fait que si vous n'avez pas assez plein de casse, elle va continuer. Le tableau va continuer. C'est quand vous n'avez plein de casse qu'il revient de même. Instantanément, d'un jour à l'autre, vous prenez des décisions. Fait qu'éventuellement, tu prends toutes tes décisions et tu les enlèves toutes, ces affaires. Mais vous ne pouvez pas, tant que vous n'avez pas plein de casse. Ça veut dire que celui qui est patient. Et qu'il regarde son enfant. Non, rationalisez pas ce que je dis. Il y a des cas où il y a des gens qui ne souffrent pas de la vie. Vous autres, vous êtes un exemple. Vous ne souffrez pas de la vie. Vous souffrez de vos idées de la vie. Mais vous ne souffrez pas de la vie. Vous autres, votre souffrance est en intérieur de la philosophie. Mais je parle des gens qui souffrent de la vie. Quand je parle des gens, ça c'est important, ce point de vue. Il y a deux sortes de souffrances quand vous entrez en souffrance mentale. Il y a la souffrance philosophique, puis il y a la souffrance biologique. La souffrance biologique, c'est la souffrance de la vie de tous les jours. La job, patron, les dettes, les créanciers, les choses là, qui nous dérangent le jour. Passer d'argent. Toutes ces affaires-là. Ça, c'est un niveau de souffrance. La plupart des gens souffrent à ce niveau-là. Il y en a d'autres qui ont une autre sorte de souffrance. Vous autres, c'est un exemple, en tant que cas. C'est au niveau philosophique intérieur. Chacun a des souffrances suivant son plan de vie. Une est aussi pénible que l'autre, mais sont différentes. Fait que vos souffrances pour un autre, pour vos souffrances à vous pourraient être sévères. C'est la petite game. Ouais, mais c'est pas des souffrances. C'est pas des souffrances. Non, c'est pas reposant, mais c'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance existentielle. C'est fatigant. C'est clair. Ça dérange. C'est compensé par le fait que c'est intéressant de c'est ça. C'est compensé par la nature de votre profession. Je suis bien content de vous voir arriver. C'est des dérangements. Les autres, ils appellent ça des dérangements. Tandis qu'il y a d'autres, il y a des gens qui ont des souffrances. Des souffrances qui sont plus que des dérangements. Ce sont des souffrances. Ils n'ont pas d'argent pour nourrir leurs enfants. Ils sont obligés de. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des souffrances philosophiques, il y a des souffrances biologiques. Faire les gens qui ont des souffrances biologiques. Les souffrances philosophiques, c'est le même. Il y a le même espace de temps, il y a tout encore des couleurs, mais c'est pas pareil, c'est pas la même souffrance. Comme je vais expliquer le phénomène de la volonté. Dans le domaine des gens qui souffrent philosophiquement, c'est pas un problème de volonté. C'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de temps, de patience. Dans le cas des gens qui souffrent biologiquement, c'est un phénomène qui les force éventuellement à vivre au niveau de leur volonté et de leur intelligence. Pour changer ça. Tous la construction de l'homme, la construction du plan mental supérieur invoque éventuellement la volonté. Puis dans l'invocation de la volonté puis l'intelligence qui vient avec, il y a seulement une chose qui vous amène à ça. C'est de l'avoir plein le cul. Quand vous avez plein le cul, là, il se passe quelque chose en vous autres, une sorte de rébellion. De rage. Là, ça fonctionne. Tant que vous n'avez pas ce rage-là dans le cadre de cette sorte de souffrance-là, là, Elle va continuer. Jusqu'à temps que ça va. Ah! Là, vous changez. Puis, il est clair. La réponse au problème. La solution au problème, elle va vous venir dans cet instantané-là. Elle va pas vous venir avant. Parce qu'il y a contrôle, ça. Vous pensez tout, les pensées que vous Je peux te donner 50 000 réponses ou pensées, c'est jamais avant. Tout d'un coup, tu te lèves dans le mur, c'est celle-là. Le phénomène de la crise. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais que pour moi, c'est bien important. Je prends eux autres comme exemple, ces deux-là. Ou leur souffrance. C'est pas philosophique, eux autres, une souffrance. Eux autres, une souffrance au niveau de créativité fonctionnée. C'est deux personnes qui seraient bien dans leur peau, ça fera bien la business, le dessin, la patente. Leur travail. Ils n'ont pas pris des grandes questions de Dieu. Puis de... So, c'est une autre sorte de souffrance. Je veux parler de ces souffrances-là parce que c'est de ces souffrances-là que les gens souffrent le plus. Éventuellement, quand tu n'as plein de casse, la réponse est dans ce moment-là. En attendant, vos corps se construisent. Il y a un travail qui se fait sur vos corps. Puis là, l'énergie, elle vient. Puis là, les corps sont capables de la prendre. Le corps mental décide de la prendre. Ça marche. Il n'y a pas de panacée dans la conscience, dans le développement de la conscience. Tout nous est donné. Tout. Tout ce qu'on vit doit être vécu totalement. Ce qui nous fait souffrir doit être vécu totalement. Vous autres, vous, philosophiquement, vous vivez totalement votre souffrance, vous, philosophique. Tout là, ce qui se passe. Mais notre initiation n'a pas commencé d'hier. Donc, la souffrance que vous parlez, j'en ai vécu. C'est ça. La préparation est pareille. Oui, oh, c'est là. Ça fait plus longtemps que c'est là. Soit 10 ans ou 15 ans, ou 2 ans. 25 ans. Hein? Ce que je veux dire, c'est que dans le passage d'un plan à un autre, dans la conscientisation de l'ego, la souffrance, elle dure tant que vous n'avez pas plein de casse. Quand vous avez plein de casse, vous la détruisez. Puis là, vous avancez. Puis s'il y en a un autre, vous la détruisez. Puis là, vous avancez. Puis vous devriez être capable de localiser dans votre vie ce qui vous fait souffrir le plus. Il y a une chose dans votre vie qui vous fait souffrir le plus. Puis chaque personne devra la connaître. Puis quand c'est fait, c'est réveillé. Il y a une grande ouverture, tu respires. Il y a une chose dans la vie de tous les êtres qui les fait souffrir le plus. Tu pourrais dire, là, si j'avais pas ça, frère, même si tu pourrais avoir d'autres choses. Oui. Il y a un noyau dans chacun de vous autres qui doit être pété quelque part dans le temps. Il y en a d'autres pour qui le noyau n'est pas nucléaire. Vous autres, c'est un exemple. Vous n'avez pas un noyau nucléaire. Elle, elle n'a pas un noyau nucléaire. Mais il y en a qui ont des noyaux nucléaires. Des noyaux. Puis tant que c'est pas pendu en deux, ce noyau-là, ils peuvent pas avoir une vie qui est vivable. Mais c'est pas nous autres qui décident du temps, mais... Qui... C'est pas vous autres qui décidez du temps, mais c'est vous autres. Qui devez en arriver à me comprendre. Pas les comprendre eux autres. C'est pas eux autres, votre chum, c'est moi, votre chum. Moi, les lois, l'esprit, je les connais. Eux autres, ils peuvent pas vous les donner, parce que si vous les connaissiez, vous êtes tous seuls comme moi. C'est pour ça que je sais. C'est un pas. Comprenez-moi. Quand vous me comprenez, à ce moment-là, vous avez le support de votre propre esprit pour avancer, pas souffrir pour rien. Pour que ça avance, les gens. Pour que vous puissiez en arriver à votre niveau de conscience interne. C'est pas par eux autres que vous êtes avancé, c'est par moi. Dans ça, je serais pas venu ici. Les autres, ils vous font avancer, ils vous communiquent, ils vous contactent. Une fois que vous entrez en communication avec moi, il y a quelque chose qui se passe entre vous autres. À cause du contact qu'on a sur le plein humain. C'est pour ça que c'est important pour vous autres de me comprendre. Si vous me comprenez, vous allez vous comprendre. Si vous ne me comprenez pas, vous ne pouvez pas vous comprendre parce que je suis la clé. Oui. Parce qu'avant de les comprendre, eux autres, vous avez dû passer par des étapes. Parce que moi, je coupe à travers la graisse. Pour vous autres, pour que vous puissiez passer à travers la graisse. Fait que c'est moi qu'il faut que vous compreniez, pas eux autres. Comment est-ce que vous faudrez jusqu'à la fin de votre vie, vous n'aurez rien changé. C'est moi que vous spiritualisez. Parce que moi, je vais détruire la spiritualité entre vous autres et eux autres. Pour que vous ayez un contact direct avec le supplémentaire au lieu de passer par toutes les étapes vibratoires du plaster. C'est moi qui ai appris, pas eux autres. C'est pour ça que je donne des conférences générales. Je parle de différents niveaux, de différents sens. Pour couvrir tous les aspects de la relation entre votre esprit et eux autres. Pour que vous puissiez comprendre tout. Mais pour que vous compreniez tout, il faut que vous compreniez les principes de l'instruction que je vous donne. Pour ouvrir toutes les portes dans vous autres qui doivent être ouvertes. Mais comment est-ce que je peux faire contre Avoir la solitude, c'est une illusion de l'ego. Mais il y a une raison à l'illusion de l'ego. La raison, c'est que vous êtes seul. Fait qu'arrangez-vous pour être seul. Non, c'est pas facile à dire. C'est dur à dire. Parce que quand on dit, on réalise ce qu'on dit. Mais c'est à vous de péter le noyau. Puis ça se pète le noyau, la solitude. Il s'agit simplement de vous débarrasser de ce qui vous rend seul. Les choses qui vous rendent seul, il y en, chez vous, dans votre cas, il y en a trois choses qui vous font, qui vous rendent seul. Regardez-les, éliminez, mettez la hache dedans, puis ça va briser votre solitude. Tous les noyaux que vous avez, il faut que vous les pétiez. Vous ne rentrerez jamais à la supramandale. Vous ne serez jamais bien dans votre peau sans ça. La solitude, c'est une illusion de l'ego. Il n'y a pas de raison que vous soyez seul. Mais regardez ce qui fait que vous êtes seul. Il y a un temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un temps. Mais dans un temps, suivant les conditions de votre vie, toutes vos vibrations, il n'y a pas de raison que vous soyez seul. Ne pas être seul, ça veut dire que ça implique d'autres personnes dans lesquelles on n'a pas le contrôle. Ne pas être seul, ça implique d'autres personnes dans lesquelles on n'a pas le contrôle. Remets-moi ça de l'autre façon. Ne pas être seul, il faut être avec un autre. Ouais. L'autre, on ne contrôle pas. Ouais. Si les autres nous échappent, je vais te demander une question. Sans mettre tes vies à découvert, là. T'aimerais-tu ça avoir une compagnie? T'aimerais ça? T'aimerais ça? Ou ben non, t'es bien de même? Bien que je suis, je préférais avoir une compagnie qui se marie, par exemple, à mes goûts et aspirations. Ouais, ok. Je vais être avec quelqu'un pour avoir les problèmes. Bon, ça, je fais comprends. Je te comprends. Mais bien, c'est subtil. Mais bien, c'est subtil. C'est subtil, l'ego. Il dit que tu peux pas diviser l'ego de l'ego et les mettre sous condition. Si tu les mets sous condition, la condition sur laquelle tu les mets, c'est la condition de préférence de ton ego. Sans ça, tu souffres de cette affaire-là. Comment tu dis? OK. Soit tu souffres de solitude, ou que tu vis une solitude. C'est pas pareil. Toi, tu vis une solitude. Tu souffres pas nécessairement de la solitude. Tu vis une solitude. Elle vit une solitude. Elle, de temps en temps, elle souffre d'une solitude. Puis de temps en temps, elle vit une solitude. Tandis qu'elle souffre de solitude. Puis vivre une solitude, c'est une condition de vie qui peut être supportée et supportable par l'ego. Tandis que souffrir d'une solitude, c'est une condition qui peut devenir insupportable pour l'ego. Oui, tu ne souffres pas de solitude. Tu vis une solitude, puis à l'intérieur de vivre une solitude, naturellement, ton ego peut formuler le désir qu'elle aimerait avoir quelqu'un qui est sur ta longueur d'onde. Comme elle, elle peut formuler le même désir qu'elle aimerait avoir quelqu'un sur sa longueur d'onde. Ça, c'est normal. Puis ça, ces conditions-là sont sujettes au développement de vos vibrations en relation avec l'échelle planétaire de vos karmas. Tandis qu'elle, c'est un problème de volonté. Elle est capable parce qu'elle tombe dans une autre catégorie d'existence. Dans votre cas, vous tombez sur la catégorie de l'existence influencée par les modes de vibration planétaire, tandis qu'elle est impliquée dans une vertu de l'ego qui n'est pas remplie et qui fait que son ego est obligé de passer une phase dans laquelle son énergie doit être transmutée. Fait que c'est deux problèmes totalement différents. Autrement dit, dans ton cas, si la fille, elle vient sans vibration, il va avoir ça. Elle, si son gars, son cheval blanc, il arrive, il va faire ça. Parce que elle, si son cheval blanc, il vient, elle ne prendra pas. Elle. Parce qu'il y a des mécanismes en elle qui vont l'empêcher de le prendre, le cheval blanc. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a des ailes. Je vais prendre ma main. Ma main souffre de solitude. Mais quand même, ce sera Michel Archange, c'est un cheval blanc. Elle ne prendra pas. Parce qu'il y a trop de formes en elle qui vont l'empêcher de voir. Fait que ma mère est vouée jusqu'à la mort. Espèce de son pas de vie. Non. Un exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vivent une solitude, puis il y a des gens qui souffrent. Il y a une grande différence entre les deux. Grande différence. Ceux qui vivent la solitude, ils attendent. Tandis que ceux qui souffrent de la solitude sont dans l'attente. Une différence à être dans l'attente. Puis attendre. Pour vous, il n'y a pas de raison. Pour vous, il n'y a pas de raison de souffrir de solitude. Puis il m'a dit. Demandez-y donc pourquoi est-ce que vous souffrez de la solitude. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est pas une réponse assez haute. C'est pas parce que vous le voulez. Ça, c'est mal répondu. M'en disais encore qu'il me répond comme du monde. Dis donc qu'il n'y a rien d'autre que c'est grave. Je sais. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est malheureux, puis c'est le même, puis ça va être changé avec le temps, ça. Ça, c'est une condition mondiale, c'est une condition de l'homme. Il y a le monde de l'âme, il y a le monde des esprits, puis il y a le monde de la lumière. Puis tant que vous allez être avec le monde des esprits, vous êtes dans la merde. Lui, ça fait partie du monde des esprits. Puis c'est tout des maudits niaiseux. Il faut que vous en arriviez, vous autres, à péter le monde des esprits, à sortir, puis passer à travers. Fait que quand vous avez des réponses stupides, ça vient de ça. Là, vous êtes stupide. Si vous avez des réponses ici, vous avez des réponses intelligentes, vous seriez intelligent. Fait que ça conditionne votre vie sur le plan planétaire. C'est grave. C'est le mal. Moi, je suis en guerre contre le monde des esprits. C'est bien beau, ça, mais quand tu le sais, qu'est-ce que tu as déponé de ça? Quand tu le sais, tu commences à comprendre une chose. M'en dis donc, tu y as raison, c'est qu'il dit. Oui. Il faut qu'on travaille avec la lumière, jamais avec les égaux des mondes des esprits. Parce qu'eux autres sont là, un comme entre les deux. Il faut qu'on pète ça. Puis vous avez pas dit, vous autres, comment est-ce qu'il y en a des paliers là-dedans. Des paliers. Quand je vous parle d'autonomie, je vous parle d'être sûr, c'est ça. Quand t'es avec eux autres, t'es sûr d'être sûr. Quand t'es avec eux autres, t'es pas sûr d'être sûr. Fait que t'es jamais sûr d'être sûr. Fait que ton comportement humain, il est jamais sûr d'être sûr. Fait que quand tu fais aller quelque part, tu peux pas aller nulle part. Mais tu dis que les ailes de lumière sont tout le temps là. Ailes de lumière, lesquelles? La lumière. Laisse faire les ailes de lumière. La lumière. Ici. Vous ne pouvez pas arriver ici Pour arriver ici, c'est ça, France, qu'on nous parle. Fait que vous avez le choix d'arrêter ici ou d'arrêter là. En comprenant ce que je veux dire, vous arrivez là. Puis par vos efforts personnels, vous allez être toujours ici. Il y a deux sortes d'intelligence dans l'homme. Une intelligence planétaire ou une intelligence cosmique. L'homme doit choisir entre les deux. Fait que si t'es ici, tu te sais intelligent. Tu te sens intelligent et tu te veux intelligent. Fait que si vous vous sentez pas intelligent, vous vous savez pas intelligent, vous voulez pas intelligent, vous pouvez pas être intelligent. Vous allez comprendre ça demain. Un jour. Tu peux pas vivre deux vies. T'en viens qu'une vie. Puis il faut qu'elle soit absolue, la vie. Sans ça, ça vient des ondes. J'en ai plein de casse. Ça. Ben, je suis allé voir les gens souffrir. Maudit que je suis allé. Écoutez ce que je vous dis quand on se rencontre, quand on se parle. Il faut ouvrir des portes. Il faut toujours oublier des portes. Puis il y en a toujours des portes. Tout le temps. Il y en a toujours des portes. Tout le temps des portes. Puis pour ouvrir des portes, il faut être en maudit. Tant que vous ne serez pas maudit, vous n'ouvrirez pas de porte. Vous n'ouvrirez pas. Tu nous dis d'être patient. Oui. Ça va pas en contradiction de faire doubler des bandes. Mais c'est là que la difficulté de discernement, la difficulté de discernement entre tout ce que tu disais tantôt, être dans l'attente. Attends. C'est la difficulté. Parce que t'as de patience dans l'attente. La patience, c'est pas de vos crises d'affaires. C'est pas de vos affaires. C'est un état, la patience. Vous autres, vous pensez, il faut être patient. C'est pas ça. C'est un état, la patience. Ça nous est imposé, la patience. Si ton cheval blanc vient pas, t'es obligé d'attendre. Voilà, tu veux dire. Ne vient pas ton cheval blanc, tu viens d'attendre. Ça, ça crée un état de patience. C'est pas l'affaire de vous autres d'être patient, de vous mettre dans patience. C'est l'état de patience. La vie, si ton cheval blanc vient pas, t'es obligé de t'attendre, t'as pas de choix. Tu vas le devenir patient. C'est leur affaire, situer la patience. C'est pas vos crises d'affaires à vous autres. Vous êtes, vous voulez vous mettre le nez dans vos affaires. C'est pas de vos affaires. Vos souffrances que vous avez, les souffrances que vous souffrez, vous les souffrez parce que vous êtes pas capable de faire descendre ça. Parce que vous n'avez pas encore assez souffert. Quand vous aurez assez souffert, vous descendrez cette affaire-là, vous ne souffrirez plus. Quand je dis qu'il faut être patient, je dis qu'on devient patient. Moi, je suis un homme patient, je suis patient. dangereux. Quand je t'ai vaincu, je t'ai fait faire, c'est fiable. Ça. La patience, c'est un état, ils te construisent, puis ils te bâtissent, puis ils te bâtissent, puis tu développes la résistance. Tu développes la résistance, c'est ça, la patience. Mais quand tu n'as plein de casse d'attendre, là, tu te fâches, tu descends l'énergie, la volonté, l'intelligence, là, c'est fini, là, tu fais un autre mouvement. Sans ça, ils vont te faire attendre la patience pendant 30 ans, 40 ans. La patience, c'est une situation qui est imposée sur vous autres jusqu'à temps que vous deveniez appuyé, vous la défendez. Là, vous entrez. Put on my ass! Si vous étiez fusionné, votre mental, toute votre patente sera contrôlée par les autres. Là, il faut entendre 10 ans, 15 ans. Vous n'avez pas de choix. Mais vous n'êtes pas fusionné. Vous n'êtes pas fusionné, vous avez la capacité de comprendre des choses qui ne se comprennent pas. Ça, ça vous donne la capacité d'agir. Puis de faire. Puis de toujours vous organiser pour éliminer ce qui vous empêche d'être heureux. Moi, la patience, je l'ai vécu, je suis dedans, ça m'a été imposé, j'ai pas de choix. Quand tu peux pas penser, tu peux pas faire quelque chose. Mais vous autres, vous êtes capable de penser, de quand fonctionner, de quand... De vous décider, vous achetez une petite drogue, vous êtes capable de faire quelque chose. Quand t'es fusionné, t'es pas capable. T'es obligé d'attendre. Fait que si ta femme veut des bonnes là, puis ils disent c'est pas le temps, c'est pas le temps. Mais vous n'êtes pas dans cette situation-là. Puis nous autres, il faut qu'on soit dans cette situation. Vous expliquez à vous autres une situation qui vous permette de. Pas de vie qu'on vit, nous autres. Ça a l'air bien contradictoire, ce moment. Oh, ça a l'air bien contradictoire. Oui, c'est bien contradictoire. Si tout vient d'en haut, si l'énergie vient d'en haut, puis si quand t'agis, ben, c'est parce que tes corps sont ajustés, puis que t'agis, tabarouette. Ouais. Pourquoi t'as pas dit tabarnak? Ben oui, tabarnak. Si tout ça, en même temps, tu nous dis, oh ouais, fallait ta volonté. Ben, tabarnak, C'est pas quand tu saches la savoir si c'est contre le titouaire ou pas contre le titouaire, en fait, on est dans la cage au fun. C'est quand tu parles, ça va. D'après ça, tu verras que c'est rien contre la discussion. Tant qu'on n'a pas goûté à ce cette fâché-là, on est bon. On dit pas se fâcher comme on veut. Ça dépend tout. Tu l'as ou tu l'as pas. Ça passe, ça passe. Ça dépend pas. Tout le temps de ta situation. Ça dépend tout le temps de la situation de souffrance. C'est ça. Si tu as des grandes souffrances, tu choques. Si tu n'as pas des grandes souffrances, tu n'as pas d'énergie pour choquer. Yeah. Moi, j'explique toujours. C'est l'extrait. Si vous souffrez pas. J'ai un mané, on sait plus qu'on est. Vous autres, vous avez pas de raison. Vous autres, c'est interne. C'est psychologique. Dans la tête ton ego. Ce que je dis des fois, ça s'applique, c'est général. Mais j'aime mieux donner des cas extrêmes. Fait que le reste, c'est. Si tu choques pas, ta vie, ça marche. Tant mieux. Je prends des cas, les clés importants, pété. Y'en a du monde pas choquable, ça choque pas. Hein? Y'en a du monde, ça choque pas. Ça pense que ça se choque. Je choque pas les autres. C'est pas qu'est-ce que c'est choqué. Elle sait qu'est-ce que c'est choqué. Je disais, quand elle choque, Charlie, tout part. Ça va. Mais c'est la souffrance qui l'a. Fait que tu tasses pour arriver, pas tout te choquer. C'est comme du draino. T'sais, le tube, quand il est bloqué, il faut que tu le débloques. Mais faut que tu saches qu'il est bloqué. Faut que tu saches où il est bloqué, de quoi il est bloqué. Là, tu le débloques. Après ça, t'es là. Mais il y en a, ça choque jamais. Pis sans pile. Éventuellement, elles sont toutes recouvertes. Là, il vient de voir Bernard Montréal. Bien, t'es le gars, il y a un jus dans la graisse de l'île. C'est bon, c'est rose. Tu penses que je ne souffrais pas? Moi, j'ai assez souffert, je suis rendu comme un chien. Mais occupez-vous pas de ce que je dis là, parce que ce que je dis là, c'est une vibration. Comprenez-vous ce que je dis? C'est une vibration. Que j'essaie de faire passer à le mental. Un jour, quand il y a des conditions qui viennent, que vous. Ça se communique, cette énergie-là. C'est pour ça que je vous parle de même. Fait que vous en avez. Mais je veux que vous le sachiez. L'exemple, là, c'est sa réaction, là, c'est le même. C'est ça. Il n'y a plus de logique là-dedans quand tu parles. C'est ça. Paf. Là, tu débloques. Je sais pas pourquoi je suis embarqué sur le ça fait. Comment ça avec la solitude? S'il y a quelqu'un qui vous parle dans votre tête, qui vous parle comme du monde, attends, il y a quelque chose à savoir ça. Qui c'est qui fait? Que ça nous perd comme du monde dans la tête ou que ça ne nous perd pas comme du monde dans la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air pas mieux? Je ne sais plus. Toi, là, il te perd comme du monde dans ta tête. Moi, je te demande quelque chose. La réponse qu'il te donne, c'est la réponse que je veux. Comprends-tu, Zé? Oui. Il y en a un autre, tu te demandes une réponse, puis c'est pas une réponse là que tu veux. Tu veux une plus haute réponse. Puis comment ça fait que tu as une réponse de même? Qu'est-ce que c'est là? C'est à cause de leur vibration immédiate qu'ils subissent. Là. Il y a une sorte de gêne, une sorte de traumatisme. Puis on peut appeler ça comme des. Comme des l'esprit qui part à travers eux fait partie de ce qu'on appelle le monde de dualité. Toi, c'est pas comme ça. Ça fait le sens, ça fait partie du monde des esprits. C'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas une réponse claire. C'est tout envoyé. C'est tout poigné. Jusqu'à temps, comme soit caché intérieurement, ça va besoin de sortir extérieurement, là, on va avoir une réponse claire. Il faut qu'elle fasse un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement de choqué. Hein? C'est important de faire du choqué. Intérieurement, il faut qu'il roule, là, c'est pas. Wow. Autrement, ils sont prêts avec un certain autre. L'as-tu vécu, tout le choqué, dans ton expérience, cette semaine? Tu l'as vécu, le choc. C'était dur à débloquer, tu me choques plusieurs fois. C'est dur, c'est bon. Wow. Ça, c'est bien intéressant. Je veux commencer à nous expliquer en parler. Ça, c'était bien. Il dit que pour péter le monde des esprits, il faut choquer. Tu vois? Pour péter cette vibration-là, il faut choquer. C'est parce que quand on choque, on passe l'ego. Vous tassez l'ego. Là, ça part. Exactement.